En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. Pendant que c'est la frénésie de la date limite des échanges du côté du Canadien et de la Ligue nationale, ben le Canadien qui a transigé a échangé Nate Thompson, a également échangé Mathieu Péka. On va en parler avec Stéphane Lebeau tout à l'heure, mais j'ai le grand plaisir pour une deuxième fois, c'est un honneur pour moi d'avoir l'ancien directeur général du Canadien, Serge Savard. Il va nous parler comment ça se préparait une transaction, comment la journée de la date limite des échanges, comment lui se préparait. Bonjour M. Savard. Hey, oui, bonjour. Monsieur Savard, avant de commencer, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour votre livre, et c'était avant les fêtes. Donc, j'imagine qu'à les fêtes, ça a dû donner un boom un peu pour les ventes. Ah, ben écoute, là, ça a été... faudrait parler le monde dans ce milieu-là, là, mais ça a été un gros succès. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais il s'en est vendu beaucoup. C'était... On était premier, c'était un best-seller là, pour plusieurs semaines. Alors, tout le monde est bien content. Là. Tout le monde est bien content. Est-ce qu'il y a un projet de version anglophone? Oui, c'est commencé. On pensait peut-être de le publier au printemps, mais je pense que ça va aller plutôt vers le début de l'automne, là, vers le mois d'octobre. Un peu la même date là, qu'on a présenté la version française. Je pense que dans ce milieu-là, là, le monde connaît ça mieux que moi. Ouais, là, mais on veut toujours aller chercher la période des fêtes là, lorsqu'on fait un lancement. Là. C'est quand même beaucoup de travail, pareil. C'est quand même quoi, 300 pages votre livre, c'est à peu près. C'est quand même traduire tout ça. C'est quand même beaucoup de travail aussi, là. Tu sais, je veux dire faire ça. Là. Monsieur Savard, la date limite des échanges. Comment Serge Savard se préparait à l'époque? Ben, j'avais pas tellement une grosse préparation à ça parce que moi je donnais pas beaucoup d'importance. J'ai jamais bâti mon équipe en fonction de la date limite des échanges ou que réellement là, que je voulais pas être mal pris ou être dans une position inconfortable lors de la journée des échanges alors que je dois faire un échange pour soit faire des séries éliminatoires ou faire un échange parce que je ferai pas les séries éliminatoires. Il n'était pas question de pas faire des séries éliminatoires dans mon temps, puis bâtir mon équipe, ben je le faisais avant, et je pense pas que d'avoir été en position durant ma carrière de gérant pour dire il faut absolument que je fasse un changement lors de la journée des échanges. Et j'étais surtout sur le qui-vive parce que il y a peut-être deux périodes dans l'année où certaines équipes sont plus vulnérables, ou certains gérants généraux, où tu peux peut-être avoir un plus gros montant pour l'échange que vas faire, là, parce que il y a des équipes qui veulent absolument s'améliorer, et c'est la période des échanges, et pour moi, c'est surtout la période du repêchage. Lorsque tu arrives au repêchage, il y a beaucoup de gérants généraux qui deviennent un petit peu plus nerveux puis qui sont plus généreux parce que ils veulent absolument avoir tel ou tel joueur, puis on a peur de le perdre avant que notre tour arrive, et on est porté à faire un échange. Je me rappelle, moi, j'avais essayé d'avoir Stéphane Quintal des Jets de Winnipeg durant l'année, puis j'offrais un deuxième choix au repêchage, puis j'étais pas capable de l'avoir. Puis lorsque Winnipeg est arrivé au repêchage, ils sont venus me voir à la table, ils voulaient absolument avoir quelqu'un, que je me rappelle plus lequel, là, puis ils avaient peur de le perdre, puis ils ont dit, si t'es prêt à faire le change, on l'a fait tout de suite. Alors, je l'ai fait sur le plancher pour une équipe qui était en détresse. Mais c'est un peu comme ça que moi, je voyais les échanges de la dernière journée. Parce que tu surpayes aussi, t'es porté à surpayer aussi quand il arrive la date limite des échanges aussi. Là. T'es comme pris en panique un peu, donc c'est un peu ça aussi. C'est ça. Puis moi, je voulais pas que ça arrive. Puis les journalistes venaient me voir tout le temps, puis on me demandait toujours, qu'est-ce qui arrive, est-ce que tu vas être actif? Ouais. Ben, j'ai dit, pour moi, c'est une période comme un autre, là. Bobby Smith, je l'ai changé, je pense, quand je l'ai eu, c'était au mois d'octobre. Ouais. Puis Vincent Danfousse, c'est au courant de l'été, période estivale. Alors, je m'enligne pas. Moi, j'attendais pas à cette date-là pour essayer de faire des changements. Si ça arrive, tant mieux, parce que il y a des équipes qui sont plus vulnérables à ce moment-là. Mais il y a des équipes qui devaient vous appeler pareil. Le téléphone devait être très ouvert pareil. Puis j'imagine que... Oui, mais écoute, il faudrait que j'aille voir les statistiques. Ouais. Là, j'étais là 12 ans. Je me rappelle non, pas là, d'avoir fait quelque chose de majeur à cette date-là. Oui. Je pense que c'était Chris Nyland, peut-être, la plus grosse échange de la date limite. Oui, mais Chris Nyland, peut-être, là, il était... Votre plus grosse échange à vous, là, je vous parle, là. Oui, mais Chris Nyland, il était sur la fin de sa carrière. C'est pas nécessaire. Est-ce que vous aviez de la pression d'un Pat Burns, d'un Jacques Demers, d'un Jean Perron, d'aller chercher un joueur? Puis est-ce que les entraîneurs vous poussaient à essayer de vous influencer? Moi, je pense pas qu'il y ait aucun instructeur qui m'a réellement influencé. Peut-être que je devrais pas dire ça, parce que, tu sais, les instructeurs, eux, ils passent la journée avec le joueur. Ouais. Ils passent toutes les pratiques avec le joueur. Ils passent tous les matchs avec le joueur. Alors, ils risquent d'avoir certains conflits à un moment donné. Puis l'instructeur va être plus porté à dire, ben, coach, là, si t'as une chance, là, si dans un échange, tu peux te débarrasser de tel joueur, là, je pense que ça serait bon pour l'équipe. Tu sais, l'instructeur peut avoir certains commentaires comme ceux-là. Okay. Puis faut pas que le gérant général se laisse aller là, avec les demandes d'un instructeur, là, parce que ça pourrait être désastreux. OK. Est-ce que vous avez déjà eu des offres d'un joueur, je sais pas, n'importe quel, là, je veux dire des exemples, c'est un nom que je lance en l'air, un Gérard Galland, tu sais, des années 90, c'est un nom que je lance en l'air, c'est peut-être pas lui, là. Puis l'équipe vous appelait, vous offrait quelque chose, puis vous avez appelé votre entraîneur pour dire, est-ce que tu le veux, lui? Est-ce qu'il marcherait bien dans ton équipe? Ou vous le saviez déjà? Ben, normalement, quand les échanges que j'ai faits, les entraîneurs étaient toujours au courant, puis on avait toujours l'opinion de tout le monde dans l'organisation avant de faire une chose comme ça, là. Oui. OK. Les transactions, est-ce que Ronald Coré, comme les grosses majeures, est-ce que vous aviez l'approbation de Ronald Coré ou vous aviez carte blanche? Exemple, celle de Bobby Smith, Vincent Danfousse, Patrick elle de Patrick Harouet que vous venez. J'ai toujours eu une très bonne relation là, avec Ronald, puis... Il était au courant de tout ce que je faisais, là, puis lui, ben, il s'est pas mêlé de mes affaires, mais il était au courant de ce que je faisais. Il a jamais été arrivé, puis il a dit, je veux pas que tu fasses ça. Okay. J'ai demandé son opinion souvent comme si c'était un dépisteur, parce que je sais que c'était un gars qui regardait beaucoup le hockey à la télévision. Okay. Il regardait beaucoup de matchs, autres que ceux du Canadien. Fait que c'était un fan. J'aimais avoir son opinion aussi, mais jamais qu'il m'a dit « je voudrais que tu fasses telle affaire » ou « je voudrais pas que tu fasses telle affaire ». OK. Question aussi, quand on dit « les équipes se sont échangées des problèmes », vous avez déjà entendu ça, exemple, Max Domi contre Alex Galchenyuk, quand ça a été fait, on disait « les équipes se sont échangées des problèmes ». Est-ce que les équipes le savaient, est-ce que vous, les problèmes qu'il y avait, ou encore vous avez dit « garde, on va se changer ces problèmes-là, peut-être pas que ça va changer ». Ben aujourd'hui, là, les équipes le savent un petit peu, là, les problèmes de tel ou tel joueur. Aujourd'hui, c'est avec les médias sociaux, avec les matchs, avec tous les réseaux sociaux, puis la télévision, puis les dépisteurs. Alors, c'est que le savoir des équipes là, est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'il l'était dans mon temps. Mais dans votre temps. Ce qui est le plus important de savoir. Ouais. C'est de savoir ce que tu donnes quand tu fais un échange. Quand tu échanges un problème, tu risques d'avoir un problème aussi parce que l'autre équipe le sait ce que tu donnes. OK. Mais savoir, je veux pas vous laisser sans vous poser quelques questions sur le Canadien. Deux, trois petites questions. Question que je veux vous poser, êtes-vous un petit peu tanné d'entendre Marc Bergevin dire viser les séries éliminatoires puis avec Carey, tout est possible? Dans votre temps, M. Savard, là, s'il y en a un qui aurait pu avoir ce discours-là, c'est Serge Savard, parce qu'il disait, avec Patrick Harouin, tout est possible. Vous auriez pu dire ça aussi, là, puis c'était vrai, là. Est-ce que vous êtes un peu tanné de ça? Ben, un peu tanné. C'est pas ça, là. Nous autres, c'est un temps complètement différent, là. Ouais. Mais moi, c'est parce que j'ai jamais donné l'importance. Je te dis pas qu'il n'y a pas de l'importance à garder le but, là. Mm. Mais moi, j'aurais jamais dit, là, Patrick, moi, c'est le meilleur goleur au monde. Puis continuer de le dire, puis continuer de le dire, là. Mais moi, je pense que le gardien de but, c'est un joueur parmi l'équipe. C'est un joueur qui a une importance un peu plus grande qu'un gars de troisième ligne, là, quand même. Ouais. Là. Mais sa job, c'est d'être gardien de but. Sa job, c'est d'arrêter les lancers. Puis c'est ça. Il faut être un joueur d'équipe. Puis, c'est vrai ce que vous dites là. Parce que j'ai lu votre biographie. Puis dans votre biographie, quand vous avez à Québec, vous étiez mal à l'aise que quand Jacques Demers vantait Patrick Roy. Hein? Oui, ça... mais c'est sûr que je le vantais autant que je vantais mon joueur de troisième ligne qui a fait gagner l'équipe le soir. Là. OK. C'est ça ce qui passe. Ouais. Monsieur Savant, gros merci. Au plaisir de se reparler, puis un autre tantôt. OK. L'ancien directeur général du Canadien, Serge Savard.